De Gaulle, Bader, même combat. De Gaulle, Bader, même combat. De Gaulle, Bader, même combat. De Gaulle, Bader, même combat. De Gaulle, Bader, même combat. De Gaulle, Bader, même combat. De Gaulle, Bader, même combat. De Gaulle, Bader, même combat. De Gaulle, Bader, même combat. Ils chient par terre. Ils font caca. Caca. Caca. Pince politique. Une sorte de roi. C'est canonique. C'est con là. Caca. Caca. Caca. Caca. Caca. Caca. Caca. De Gaulle, Bader. Même combat. Ils chient par terre. Ils font caca. Caca. Caca. Sens politique. Puissance de roi. C'est qui nous dit que c'est qu'on a. Caca, caca, caca. Caca, caca. Vive le jazz, vive le jazz, vive le gaz. Vive le jazz, vive le jazz, vive le gaz. De Gaulle, Bader, même combat. Ils chient par terre, ils font caca. Caca, caca. Caca, caca. Si vous me comprenez, faut vous faire interner. De Gaulle, Bader, même combat.